إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 21 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et c'est avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc on commence, Inch'Allah. Tayyib. Donc on commence le cours d'aujourd'hui, comme je dis. Et le cours, c'est le cours 21. Le titre du chapitre, c'est Babun Maja'a fil Kadhibi wal Mazhi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet du mensonge, des plaisanteries et des choses semblables. C'est-à-dire, yani, le fait de faire des blagues et de rire. Il y a des hadiths qui sont mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc on va lire ça ensemble, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit... Il dit, وقول الله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أخرجاه. ولمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Donc le Cheikh il commence. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh il commence par une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le verset 67 dans sourate Al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les propos de Bani Israël lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de dire à son peuple qu'ils doivent égorger une vache, qu'ils doivent tuer une vache. Et eux, ils ont répondu en disant, est-ce que tu te moques de nous? Atattakhizuna huzwa. Comme si, ils ne prennent pas les paroles du prophète au sérieux. Wala'iyazu billah. Alors lui, qu'est-ce qu'il a répondu, Moussa alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala dit, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. C'est-à-dire, il a dit, je cherche refuge en Allah d'être parmi le nombre des ignorants, des jahilin. Ensuite, il mentionne une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée selon Kulthum bint Uqba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Il n'est pas un menteur celui qui réconcilie entre les gens et qui dit du bien ou qui souhaite du bien. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim qui dit, elle a dit, et je ne l'ai jamais entendu permettre quoi que ce soit dans les paroles que les gens disent, excepté dans trois choses. C'est-à-dire par rapport aux choses qui sont permises du mensonge, dans la guerre, dans la réconciliation entre les gens, et lorsqu'un homme parle à sa femme, ou lorsque sa femme parle à son mari. Hein, souvent, il y a la version du hadith qui dit lorsque l'homme parle à sa femme. C'est permis, dans certains cas, de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est vrai dans le sens contraire aussi, que la femme aussi, elle a le droit de mentir à son mari dans certaines choses. Dans la guerre, la réconciliation entre les gens, quand tu veux réconcilier deux personnes ou deux groupes, et aussi la parole que l'homme entretient avec sa femme ou la femme avec son mari. On va expliquer ça maintenant dans les paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan qui explique ces hadiths-là et ces paroles-là. Premièrement, à propos du verset dans Sourate Al-Baqarah, à propos de Moussa, quand il a ordonné à Bani Israël de sacrifier la vache ou d'égorger la vache. Il dit من أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس واحتقارهم وعدم إلزامهم وعدم إنزالهم منازلهم لأن الأصل في المسلم أن يكون جادا فيما يقول ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاسهم وفي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيد بيان وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله فحدث بسبب ذلك مشكلة فأهله يطالبون بدمه ولكن لا يعرفون القاتل فأمر الله موسى عليه السلام أن يكشف لهم الأمر بمعجزة. Donc le cheikh il explique que parmi les plus grandes formes de mensonges, il y a le fait de se moquer des gens et de les mépriser et de ne pas leur donner le respect qui leur revient selon leur statut ou leur position. Et à la base, le musulman, il doit être sérieux dans qu'est-ce qu'il dit. Hein? Et il ne plaisante pas avec les gens pour se moquer ou diminuer les gens ou les traiter avec un manque de respect ou des choses comme ça. Et dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Bani Israël, dans Surat al-Baqarah, il y a un surplus d'exemples à ce sujet-là, et plus d'explications. Et il dit que c'est du fait qu'il y a un homme parmi les hommes de Bani Israël qui avait été tué, et on ignorait qui était son tueur, qui l'avait tué. Alors à cause de ça, il y a eu un certain problème qui s'est produit. Et les membres de la famille de la victime demandent pour que son sang soit payé, pour qu'il y ait réparation, vengeance. Mais ils ne savent pas qui est le tueur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de faire quelque chose pour faire en sorte que le tueur soit découvert par un miracle. Par un miracle. Alors il dit Fada'ahum alayhi salam. Alors il les a invités à ce qu'ils sacrifient une vache. Il dit puis ils prennent une partie de cette vache et ils frappent la victime avec. Il dit une fois qu'ils l'ont frappé avec le morceau de la vache, il va se tenir debout, il va se lever par la permission d'Allah. فأخبرهم من القاتل. Donc وأخبرهم من القاتل. Il va leur dire qui était le tueur. فلما أمرهم عليه السلام بما أمره الله عز وجل قالوا أتتخذنا هزوا يعني ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل. Donc quand Moussa عليه السلام leur a ordonné de dégorger cette vache, les gens de Bani Israël ont dit, est-ce que tu nous prends en plaisanterie? Est-ce que tu es en train de te moquer de nous? Atattakhizuna huzwa? Et ils disent, c'est quoi la relation entre le fait de sacrifier une vache ou d'égorger une vache et l'histoire de ce meurtre? Et comme s'ils veulent penser que Moussa alayhi salam, il leur ordonne de faire quelque chose et que c'est pas sérieux, comme s'il plaisante avec eux. Et le cheikh il dit, وَهَذَا مِنْ تَنَطُعَاتْ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَتَطَاوُلِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ. Il dit ça fait partie des exemples des attaques de Bani Israël et comment ils manquent de respect envers les prophètes d'Allah. C'est-à-dire qu'ils traitent les prophètes d'Allah comme si c'était des gens n'importe qui. Et qu'ils ne leur adressent pas la parole avec respect. Ils parlent avec lui-même en disant des paroles qu'on ne dirait pas à quelqu'un comme un prophète. Est-ce que tu te moques de nous? Comment tu peux parler comme ça à un prophète? C'est comme les gens d'aujourd'hui, comment ils parlent. C'est comme si c'est quelqu'un qui est sérieux, un prophète d'Allah ou un savant de la religion, un homme de science, puis toi tu lui dis, est-ce que tu me niaises? Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Tu plaisantes ou quoi? T'es pas sérieux? Comment tu parles comme ça à un prophète d'Allah? Ça c'est inacceptable. Et donc ça fait partie des exemples du comportement de Bani Israël avec les prophètes. Ils manquent de respect aux prophètes, ils manquent de respect envers les représentants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit, يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى عليه السلام إلا أن موسى قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Donc ça c'est comme je disais, il s'adresse comme ça au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sauf que Moussa alayhi salam leur a répondu en disant, je cherche refuge en Allah d'être du nombre des ignorants. Il dit فَالِسْتِهْزَاء بِالنَّاسِ مِنْ صِفَاتِ الْجَاهِلِينَ وَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ. Donc il dit, il répond en voulant dire que le fait de se moquer des gens, ça ne fait pas partie de la caractéristique des prophètes et des croyants. Plutôt, ça fait partie des caractéristiques des ignorants, de se moquer du monde et de vouloir se moquer des gens. Il dit ثُمَّ إِنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَطَلَبُوا صِفَةَ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني أي لا كبيرة ولا صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وهذا فعل أمر حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويدعوا التنطعات. Donc le cheikh il dit, si à la base ils avaient égorgé n'importe quelle vache, ça aurait suffi et ça aurait été correct, mais ils ont voulu être difficiles, alors Allah subhanahu wa ta'ala a été plus dur avec eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné d'égorger n'importe quelle vache, et eux ils ont dit demande à ton Seigneur, et regarde comment ils parlent même à Moussa alayhi salam. Ils ne disent pas demande à notre Seigneur, ils disent demande à ton Seigneur, comme si en voulant dire c'est pas notre Seigneur à nous, c'est ton Seigneur à toi. Il n'y a pas de respect dans la façon de parler. Donc, demande à ton Seigneur qui nous explique. C'est quelle vache? Demande à ton Seigneur qui nous explique quelle vache. Alors, il leur répond. Il dit, c'est pas une vache qui est grande ni petite. C'est-à-dire, n'importe quelle, une vache ordinaire. Et il dit, et faites ce que vous êtes ordonné de faire. C'est-à-dire, c'est un ordre. Ils doivent mettre cet ordre en application. Mais au lieu de faire ça, et d'abandonner leurs critiques et leurs moqueries et leurs attaques, ils continuent encore à poser d'autres questions. Ud'u lana yubayyin lana ma lawnuha. Il dit, demande à ton Seigneur pour qu'il nous explique de quelle couleur elle est. Et ça, c'est encore pire que la première question. Hein? Alors, là, maintenant, il dit, وَلَمَّا فُصِّلَ يعني وَهَذَا أَشَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَمَّا فُصِّلَ لَهُمُ النَّوْعِ اِنْتَقَلُوا إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ وَهُوَ اللَّوْنِ فَضَيَّقُوا فرص إيجاد البقرة بهذه المواصفات عندما سألوا عن اللون. Donc ils ont encore plus restreint et rendu plus difficile de trouver la vache parce qu'ils ont commencé à parler de la couleur. Donc ça c'est encore plus dur que la première question encore. Et là il dit فقال لهم كما قص الله علينا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا تشديد آخر أنه يعثر عليهم بهذا الوصف فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال المفسرون لو لم يقولوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء ولما اهتدوا إليها أبدا. Donc il dit le cheikh que après ils ont demandé encore une fois, donc Allah leur a répondu la couleur, c'est une vache qui est yani jaune ou orange de cette couleur yani. Puis yani il leur a mis une autre condition qui est encore plus dure pour eux, et ils ont dit malgré tout demande à ton Seigneur, invoque ton Seigneur pour qu'il nous explique yani quelle vache, parce qu'elles se ressemblent tous pour nous, puis yani on ne sait pas laquelle. Et par la volonté d'Allah, on sera bien guidé. Par la volonté d'Allah, on sera bien guidé. Et il dit, les savants de tafsir ont dit, s'ils n'avaient pas dit par la permission d'Allah, ils ne seraient jamais arrivés à trouver et à être guidés vers la bonne. Mais il dit, وَلَكِنْ قَالُوا إِنْشَاءَ مِمَّا سَهَلَ الْأَمْرَ عَلَيْهِمْ. Du fait qu'ils ont dit, Inch'Allah, ça leur a facile, ça leur a rendu la chose plus facile. Allah leur a facilité un peu plus. Il dit, وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا أي لا عيب فيها وليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق. وهذا من تهكمات بني إسرائيل، يعني أن موسى لم يأتي بالحق إلا حين ذاك. فذبحوها وما كادوا يفعلون. Donc le cheikh il dit ensuite que ils ont encore posé une autre question à Moussa alayhi salam, et ils ont dit ils ont demandé donc demande à ton Seigneur pour qu'il nous explique, pour qu'il nous dise, qu'il nous clarifie de quelle vache on doit sacrifier. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité, et dont la couleur est unie. C'est-à-dire, elle a une seule couleur. Hein? Elle n'a pas de défaut. Il dit, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Et le cheikh, il dit, comme si c'était juste là maintenant qu'il leur apportait la vérité à la fin. Qu'avant, Moussa alayhi salam ne leur avait pas clarifié ou mentionné la vérité avant. Donc, ça c'est pour montrer comment il se moque des gens, et en particulier des prophètes, Allah musta'an. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Ils l'ont, donc à ce moment-là, ils l'ont sacrifié cette vache, mais yani, à peine ils voulaient vraiment le faire. Ils ne voulaient pas le faire pour de vrai. ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره الله تعالى بذلك اضربوه ببعضها أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل ففعلوا فعادت إليه الروح وقال فلان قتلني يقال إنه كان ابن عمه وكان القتيل لديه مال فأراد القاتل أن يتعجل أخذ المال بالميراث فقتله ثم قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى هذا شاهد على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنيا وهذا من علامات ودلائل كمال قدرته تعالى. Donc le cheikh il dit, bon, là ils ont fait ça comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait ordonné, puis Moussa alayhi salam leur a dit frappez le mort avec cette partie de la vache, et ils l'ont fait, et l'âme de ce mort est revenue dans son corps, et il a dit c'est un tel qui m'a tué. Il a mentionné le nom de la personne qui l'avait tué, et c'était son cousin. Et étant donné que la victime avait de l'argent, donc son cousin voulait précipiter sa mort pour pouvoir prendre son héritage, alors il l'a tué. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset, il dit c'est ainsi que Allah fait revivre les morts. Et il dit ça, c'est qu'est-ce qu'il a voulu montrer ici, c'est comme un témoignage du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre les morts. Et là, ils l'ont vu même dans cette vie d'ici-bas. Et ça fait partie des signes et des preuves de sa puissance parfaite. Et il dit, وَلِهَذَا قَالَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهُمْ مُشَاهَدَتِهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ الْعَظِيمَةِ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَهَذَا مِنْ جَفَاءِ بَنِ إِسْرَائِيلَ وَخُبْثِ طَوِيَاتِهِمْ وهم لا يزالون بهذه الصفات وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite dans le verset, et il vous montre, il dit ce qui signifie, il vous montre ces signes pour que vous puissiez réfléchir, puis par la suite vos cœurs se sont endurcis. Donc le cheikh il dit malgré qu'ils ont vu comment Allah a fait revivre le mort, hein, avec le morceau de la vache dans ce verset, malgré tout par la suite leur cœur est redevenu dur encore, hein. Et donc ça c'est pour montrer à quel point les fils d'Israël sont durs et qu'ils sont mauvais dans leur façon d'être, hein, dans leur façon d'être envers la religion. Et c'est pour cette raison, donc ils ont toujours cette caractéristique là en eux-mêmes, et ça c'est un signe de leur faiblesse d'esprit, de leur ignorance et de leur obstination, wal'iyadu billah. Et le cheikh il dit ensuite, wa shahidu fi hadhihi al-ayat qawluhum attattakhidhuna huzwa fadalla hadha ala annahu la yajuz ittikhadhu an-nas huzwan wa sukhriya. Il dit qu'est-ce qu'on voulait tirer de cette histoire, en fait c'est la partie où Bani Israël s'adresse à Moussa en disant est-ce que tu nous prends est-ce que tu te moques de nous, est-ce que tu nous prends en plaisanterie ou des choses comme ça. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis de se moquer des gens et de rire des gens, des choses comme ça. Et le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas riwayatu hadha al-hadith hiya aw rawiyatu hadha al-hadith hiya Umm Kulthum bint Uqbah ابن أبي معيط كان أبوها كافرا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعد وقعة بدر وهذه البنت من الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت وصارت صحابية جليلة تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى صلى الله عليه وسلم من الكذب ما كان فيه إصلاح بين الناس وذكرت مسائل أخرى يرخص فيها بالكذب للمصلحة. Donc le cheikh il dit que ensuite il y a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il dit que celui qui réconcilie entre des gens, il n'est pas un menteur. Et ça c'est une narration qui est rapportée selon Kulthum ibn bint Uqba. Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'it. Et c'est une sahabiya. Et le cheikh il explique que son père était kafir, son père n'était pas musulman. Et il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un ennemi acharné contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tué après la bataille de Badr. Il a été tué après la bataille de Badr. Et cette fille, la fille de cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la faveur de la guider à l'islam. Et donc elle s'est convertie à l'islam et elle a bien pratiqué son islam et elle a fait la hijra. Elle a émigré dans le sentier d'Allah. et elle est devenue une grande sahabiya. Et elle rapporte ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne que le fait de réconcilier entre les gens, c'est quelque chose qui est une exception parmi les choses qui sont permises du mensonge. D'accord? Et il explique qu'il y a d'autres choses qu'elle mentionne aussi parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis du mensonge pour un intérêt ou un bienfait quelconque. Parce que dans certains exemples, comme les trois exemples qui sont mentionnés dans ce hadith, il y a un bienfait de pouvoir mentir dans ces cas-là, c'est pour faire du bien en réalité. Et il donne l'exemple ici du premier cas, al-oula al-islah bayna an-nas wa al-thaniya fi al-harb fa yahiqqu lil-qa'id an yurawi fi al-kalam lil-khid'a wa laysa يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه إلا ورى بغيرها وهذه من السياسة الحربية فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة كأن يقول الرجل لزوجته بأنه يحبها ويريد أن يشتري لها وأن يصنع لها أمرا وهو لا يريد أن يفعل إما لقلة ذات اليد أو لعدم إمكانية تحقيق ذلك وهي تقول له بأنها تحبه وأنه أحب الناس إليها فإن هذا لا بأس به ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. Donc le cheikh il explique que la première chose qui est mentionnée dans le hadith, c'est le fait de réconcilier entre des personnes lorsqu'ils sont en dispute ou lorsqu'ils sont fâchés ou en colère les uns avec les autres. Toi, tu vas aller voir, tu leur dis des choses pour les réconcilier. Même si c'est pas vrai, dans le sens que, par exemple, si tu dis un tel, il parle du bien de toi, il parle de toi, il regrette qu'est-ce qu'il a fait, il pense qu'il n'aurait pas dû faire ça. Puis l'autre, tu vas le voir, tu lui dis ça aussi, tu vois, pour les réconcilier ensemble. Allahu a'lam. Je sais pas. Mais il y a le deuxième exemple du hadith, c'est aussi qu'est-ce qui est des stratégies militaires. Comme par exemple dans la guerre, le chef de l'armée, il va faire quelque chose, une ruse militaire pour tromper l'ennemi, pour leur faire croire quelque chose qui est le contraire de la réalité, pour le surprendre. Hein? Comme par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait partir en guerre quelque part, il disait jamais où est-ce qu'il s'en allait. Et il partait jamais directement dans la direction où il voulait aller. Il prenait une autre direction et il disait qu'il allait ailleurs pour tromper l'ennemi, pour pas que l'ennemi sache qu'il s'en va vers eux pour les attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des espions. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait directement où il allait, bien c'est sûr que ils allaient se préparer à sa venue. Donc ça, il dit, ça fait partie de la politique ou de la, il y a des stratégies, comment bien faire son plan, hein, militaire, pour surprendre l'ennemi, pour le tromper, pour réussir à gagner la guerre. Et il dit donc que c'est permis de mentir dans la guerre contre l'ennemi pour un bienfait. Mais aussi en même temps, par rapport à ça, il faut comprendre que certains parmi les Khawarij, ils prennent cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la guerre et aux mensonges dans la guerre, et ils les tirent en dehors de ses limites. Dans le sens que, eux, premièrement, les Khawarij, ils pensent que c'est eux qui décident qui est en guerre contre qui. Hein, alors qu'on sait très bien que la guerre, c'est les dirigeants qui décident. Qui est en guerre contre qui, c'est les dirigeants qui décident, pas les individus, comme ces gens-là qui n'ont aucune décision dans les questions militaires d'un État ou d'un pays. Donc eux, ils décident qui est en guerre contre qui, puis contre qui on a le droit de mentir. Donc ils viennent dans les pays des koufars, ils se permettent, par exemple, ils vont dire, oh, ben, je vais raser la barbe, je vais boire de l'alcool, je vais aller dans des boîtes de nuit, je vais faire les péchés, pour que les koufars pensent que moi je suis pas quelqu'un qui est religieux. Hein? Comme ça ils vont pas me surveiller, puis après je vais aller faire des attentats terroristes, ou je vais aller faire ci et ça, je vais les attaquer, les koufars. Naam, comme des voyous, naam. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des voyous vraiment. Donc, Allah al-Musta'an, il pense que de faire ça, ça fait partie de mentir, hein, pour la cause de l'islam, ou pour le djihad. Et alors que ça, c'est des choses qui sont clairement interdites. Et que ça n'a rien à voir avec, qu'est-ce que, même il y a des koufas, parmi les koufas qui essaient de, comme par exemple, comme on dit, ceux qui ont une phobie de l'islam, tu sais, ils imaginent plein de choses fausses sur l'islam et les musulmans, donc ils voient que les musulmans sont des gens mauvais, que l'islam c'est quelque chose de dangereux, puis qu'il faut se débarrasser des musulmans. Donc eux, ils ont des sites internet, et dans ces sites-là, ils écrivent le danger des musulmans, faites attention, ils font qu'est-ce qu'ils appellent « at-taqiyya ». C'est-à-dire, ils montrent quelque chose, mais en réalité, c'est pas ça. Et ils utilisent les actions de ces khawarij, et ces déformations des khawarij, pour essayer de justifier, ou pour dire, justifier leur peur de l'islam et leur crainte de l'islam. Donc, ils utilisent qu'est-ce que ces gens-là font, qui sont contraires à l'islam, puis ils disent, regardez les musulmans, comment ils sont, et c'est ça l'islam. Hein? Donc, il faut savoir que at-taqiyya, ça n'a pas un rapport avec ça, et il y a une différence entre la stratégie militaire et l'hypocrisie et le mensonge. Hein? Dans l'islam, le mensonge et l'hypocrisie, c'est pas permis. Et t'as pas le droit de montrer le faux et cacher la vérité, et de mélanger le vrai et le faux, puis de dire que ça c'est parce que tu fais soi-disant une stratégie militaire. C'est deux choses différentes. Puis, Inch'Allah, on en parlera plus en détail dans d'autres circonstances, Inch'Allah. Naam, taqiyya. Taqiyya, en fait, c'est que... Non, mais taqiyya, c'est autre chose. Parce que, souvent, qu'est-ce que les gens qui... Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « La yattakhidhi al-mu'minun al-kafirin awliya min duni al-mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in. Illa an tattaqu minhum tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqatan. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés, ou comme, yani ils ne les aiment pas, hein, dans la religion et des choses comme ça, en dehors des croyants. Et ils ne vont pas les supporter contre les croyants. Et il dit, celui qui fait cela, hein, quiconque fait cela, il n'a rien à voir avec Allah. Hein, Allah se désavoue de lui. Excepté si vous le faites dans le but de vous protéger ou vous préserver d'un mal quelconque. Par exemple, les ulama ont dit que ça c'est dans le cas de, les cas de contraintes. Si par exemple, t'es pris par les ennemis, puis ils te forcent à dire des paroles de kufr, sinon ils vont te tuer. Alors toi tu dis une parole de kufr pour qu'ils te laissent partir. Mais dans ton cœur t'as la foi. Ça a un rapport avec ce genre d'exemple de taqiyya. Mais c'est pas permis de mentir en dehors de ce cas-là pour dire des paroles de kufr, alors que dans ton cœur tu dis j'ai la foi mais je veux dire des paroles de kufr pour me permettre de faire des choses qui sont contraires à l'islam. Ça c'est pas permis. Et protéger. Oui, c'est ça. La tattaqu minhum tuqatan. Oui, dans le but de se protéger, de se préserver. Et il y a la taqiyya chez les gens de bid'a, comme les khawarij et les shi'a, rafida. Eux, ils appliquent la taqiyya contre les musulmans. Ils disent aux musulmans, par exemple, quand ils veulent attirer des gens de la sunna pour que ces gens-là deviennent chiens, hein, ils vont dire, par exemple, aux musulmans qui sont parmi les gens de la sunna, non, il n'y a pas de différence entre vous et nous, et oui, on aime les sahaba, on les insulte pas, et c'est pas vrai, on est comme vous, hein. Et ils disent même dans les hadiths qu'ils ont dans leurs livres que la taqiyya pour eux dans leur religion c'est 9/10 de la religion, tu vois. Et il dit, celui qui n'a pas de taqiyya, il n'a pas de religion. Pour eux, donc, c'est comme si c'est essentiel pour eux de mentir. Hein? Et ils vont dire, par exemple, non, nous, on n'insulte pas les sahaba, on n'est pas contre Abu Bakr et Omar, on n'insulte pas Aïcha, radiallahu anha, alors que c'est faux. Hein? Mais pour faire croire aux gens qu'ils sont près des musulmans, puis qu'ils aiment Ahl Sunnah, donc pour attirer ces gens-là, pour qu'ils deviennent chiites, ils vont leur mentir comme ça au début, puis après petit à petit ils vont commencer à leur jeter des doutes pour essayer de les influencer, pour les attirer vers eux. Ça c'est un exemple. Donc les chiites al-Rafida, ils ont taqiyya. Des fois par exemple ils vont prier avec derrière un imam sunni, hein? Puis donc là ils vont dire, vous voyez on prie derrière un imam qui est sunni, alors qu'en réalité, hein, ils vont refaire la prière après. Ils vont la refaire parce qu'ils croient que la prière derrière un sunni c'est pas valable. Donc c'est pour tromper. Taqiyya, c'est eux, ils l'utilisent dans le sens du nifaq, de l'hypocrisie. Et les khawarij, c'est la même chose. Hein? Ils utilisent le terme taqiyya dans le sens du nifaq, pour justifier toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Et bien entendu, ça, c'est pas la vraie signification de taqiyya. Et yani, on a parlé de ça déjà, puis on va en reparler une autre fois, mais c'est juste pour dire ça par rapport avec les Russes de guerre. Il y en a qui se permettent, comme par exemple quand ils font la da'wah au kuffar, ils se permettent de dire le contraire de la vérité dans l'islam, soi-disant pour le bien de l'islam. Ils pensent que ça c'est pour un intérêt ou pour un bienfait. Et ça tu le retrouves souvent aussi chez les Ikhwan. Donc par exemple, ils vont déformer la réalité de l'islam, ils vont dire aux kuffars, oui l'islam c'est la démocratie, l'islam c'est la liberté, l'islam, dans l'islam l'homme et la femme sont égaux, dans l'islam tout le monde peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de choses, hein. Puis ça, tout ça c'est des choses qui sont pas vraies. Mais ils utilisent, il y a des ruses comme ça, du talbis, pour mélanger le vrai et le faux, puis ils pensent qu'en faisant ça, ils vont attirer les non-musulmans à l'islam. Et en réalité, ils leur mentent. Il déforme la vérité. Et ça, c'est pas permis d'agir comme ça, hein. Parce que la démocratie, c'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas quelque chose qui vient d'Allah. C'est quelque chose qui est rempli de problèmes et de défauts, d'égarements et d'injustices. Donc si tu attribues cette injustice-là à l'islam, tu mens contre Allah. Parce que la religion d'Allah, elle est parfaite. Et la démocratie, elle n'est pas parfaite. Donc tu attribues quelque chose d'imparfait à la religion d'Allah, tu risques d'égarer les hommes en faisant ça. Eux, ils pensent qu'en attribuant l'islam, la démocratie à l'islam, ils font honneur à l'islam, alors qu'ils sont en train de salir l'islam. Parce que la démocratie ne mérite pas de faire partie de l'islam, parce qu'elle est corrompue, c'est un système pervers. Il y a beaucoup de choses négatives dedans. Allah musta'an. Donc c'est pour ça, même il y a des koufars qui l'ont reconnu eux-mêmes. Il y a des koufars qui ont écrit, hein, des critiques de la démocratie pour montrer les défauts qu'il y a dedans. Et c'est juste un exemple, mais sinon, nous, quand on regarde selon le Coran et la Sunna, on voit clairement que c'est pas en accord avec l'islam. Et que c'est en contradiction même avec l'islam. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste bien comprendre qu'on n'a pas le droit de mentir de cette façon. Et de dire des choses mensongères, soi-disant au nom de vouloir attirer les non-musulmans à l'islam ou de vouloir les ramener à l'islam, parce que tôt ou tard ils vont découvrir la réalité, puis ils vont dire, ben vous m'avez menti, vous m'avez dit ça et maintenant je lis le Coran puis je vois que qu'est-ce que vous me dites c'est pas vrai, vous m'avez dit ça et je vois dans les hadiths du professeur Rassoum que qu'est-ce que vous disiez ça c'est pas vrai, regardez c'est marqué dans les hadiths le contraire de qu'est-ce que vous dites. Les gens sont pas bêtes à ce point. Et donc, c'est mieux de dire la vérité comme ça. Si quelqu'un accepte la vérité, il l'accepte parce qu'il l'a vraiment connue. Et s'il la rejette, il la rejette avec connaissance. Hein? Comme Allah dit dans le Coran, لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا لِيَحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا. C'est-à-dire, celui qui va périr, il va périr avec la preuve. Et celui qui va être vivant, qui va être sauvé, il va être sauvé avec la preuve, pas avec les mensonges, hein. Après, le cheikh, il explique aussi qu'il est permis aussi à l'homme de mentir à sa femme ou à la femme de mentir à son mari, dans le but de faire en sorte que la bonne entente reste entre eux, puis que l'amour reste entre eux pendant qu'ils vivent ensemble. Comme par exemple, l'homme qui va dire à sa femme qu'il l'aime, ou qui veut lui acheter telle chose, ou qui veut faire telle chose pour elle, en réalité, il veut pas le faire, soit parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, ou soit parce qu'il ne peut pas le réaliser à ce moment-là. Et elle va lui dire qu'elle l'aime, et que c'est la personne qu'elle aime le plus au monde, alors que c'est pas nécessairement vrai, mais elle le dit pour qu'il soit content, et il n'y a pas de problème avec ça, et ça c'est pour que la relation de mariage dure, et que l'amour reste entre le couple. Comme l'homme il va dire, t'es la plus belle femme au monde, il n'y a pas de femme plus belle que toi, et ta nourriture c'est la meilleure nourriture, j'ai jamais mangé ça meilleur que ça, hein? Donc elle est contente en même temps. Et la même chose, la femme, elle dit, ah franchement, mashallah, t'es le meilleur mari, j'ai jamais trouvé, j'imagine pas qu'il y a sur la terre un homme meilleur que toi, et je suis heureux d'être avec, je suis heureux d'être ta femme, et ainsi de suite. Donc, yani, pour faire en sorte qu'il y ait cette bonne relation-là entre l'homme et sa femme. Et il dit ensuite, فدل الحديث على أن الكذب محرم إلا في هذه الخصال الثلاث. Donc ça c'est la preuve que ce hadith là il prouve que le mensonge il est haram, excepté dans ces trois sujets là. لرجحان المصلحة وقد مضى ذكر اثنتين والثالثة أن تصلح بين اثنتين المتخاصمين أو جماعة فتسعى بينهم بالإصلاح وتستعمل الكذب للتقريب بينهما حتى يحصل الصلح وهذا من الكذب المباح. Donc il dit que ça c'est des choses qui sont permises parce que le bienfait de ça est plus grand que le mal. Et il dit c'est seulement dans ces trois cas-là que c'est permis. Et on a mentionné deux exemples. Le troisième, c'est de faire la réconciliation entre deux personnes qui se disputent ou deux groupes qui se disputent. Et tu fais des efforts pour les réconcilier et tu utilises le mensonge pour les rapprocher, pour qu'il y ait une réconciliation. Et ça fait partie de qu'est-ce qui est permis dans le mensonge. Il dit وهذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه فإن فساد ذات البين هو الحالقة كما ورد في الحديث. Donc le cheikh il dit que à la base le musulman il fait tous ses efforts pour éteindre le feu de la discorde et de l'animosité entre ses frères. Donc s'il y a une dispute entre deux musulmans, c'est le devoir des musulmans de faire des efforts pour essayer de les réconcilier et de faire éteindre ce feu. Parce que le désordre qu'il y a entre deux personnes, dans la relation de deux personnes, c'est al-haliqa. C'est comme si ça rase, hein, ça vient raser la religion de quelqu'un. Et ça c'est mentionné dans le hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abu Darda. Il dit « وللأسف تجد بعض الناس » بدل أن يصلحوا بين المتصارعين ويكونون عونا للشيطان يعني على أخيهم لأن الشيطان هذا دابه بدل أن يصلحوا بين المتصارعين. Donc c'est ça. Il y a des gens malheureusement au lieu de réconcilier entre deux personnes qui se disputent, ils vont être comme un support au diable contre leurs frères, puis ils vont l'inciter encore plus à être en dispute avec la personne. Il dit wa qala Allah ta'ala yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawa wa al-baghdha. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'ida le verset 91 que le shaytan il veut créer de la dispute et de l'animosité, de la haine et de l'animosité entre vous. Ça c'est une de ces objectifs du diable, c'est ça, de créer entre vous de la haine et de l'animosité. Il dit وهذا يقع كثيرا ولا سيما بين طلبة العلم والعلماء فينتج عن ذلك إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب كل حزب يسب الآخر وبالتالي تحصل الفرقة بين المسلمين وتشتعل العداوة بينهم والفرقة مرتعة martaa'u khasbin lish-shaytan. Le cheikh il dit que ça arrive souvent parfois malheureusement entre les étudiants de sciences et les ulama, et à cause de cela le feu de la fitna s'allume et les gens se divisent en groupes et chaque groupe insulte l'autre et par conséquent il y a de la division entre les musulmans à cause de ça, et ça allume l'animosité entre eux, et la division c'est quelque chose que le shaitan fait pour hein, il cultive ça et il abreuve ça. Donc il faut faire attention à ce genre de situation et ce genre de choses pour éviter l'animosité entre les croyants. Non, il y a des gens parfois comme tu dis barakallahu fik, ils mélangent les questions de disputes pour des raisons religieuses et les disputes pour des raisons de la dunya. Et ça, c'est deux choses différentes. Si quelqu'un il a une animosité, une dispute avec un musulman pour des raisons religieuses valables, dans le sens que un de tes frères ou disons un des musulmans que tu connais avec qui tu étais par exemple en bonne relation, eh bien cette personne est tombée dans une innovation, est tombée dans une bid'ah, où il est rentré dans un groupe de hizbiyya. Puis il est devenu fanatique, acharné à cette bid'a, et à cause de ça, il te prend en animosité. Toi, hein, tu lui rappelles, tu lui expliques, tu lui donnes des preuves, tu lui donnes les explications, il refuse de revenir à la sunna. Donc est-ce que ça fait partie des animosités qu'on peut régler juste comme ça, avec une réconciliation, en disant mais non, il faut se réconcilier, réconciliez-vous, hein, vous êtes des frères, faut pas se diviser, ou bien il faut demander à la personne plutôt de se repentir de son innovation et de revenir à la vérité pour qu'il y ait une réconciliation, parce que ici la cause de la réconciliation c'est pas un problème qui est personnel entre deux personnes, ici c'est une cause qui est le fait qu'une des deux personnes s'est détournée de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à cause de ça, yani, ça a créé le conflit, la division. Et quand il y a une bid'ah, c'est pas la même chose que lorsqu'il y a yani, des conflits personnels entre deux personnes. Et à cause de ça, tu vois qu'il y a des gens qui comprennent pas la question, yani, par exemple, l'exemple le prophète Samson a dit qu'il n'est pas permis à deux musulmans de rester éloignés l'un de l'autre plus que 3 jours. Si par exemple tu as un conflit avec un frère pour quelque chose de la dunya, tu dis ah lui je ne lui parle plus, là je suis fâché contre lui, tu n'as pas le droit de rester plus que 3 jours fâché contre lui. Quand tu le vois tu ne lui dis pas le salam, ça c'est pas correct. Mais ça, c'est pour des choses, des conflits qui sont reliés à des intérêts de la dunya ou des choses de la dunya. Il t'a fait une injustice, il t'a fait quelque chose que t'as pas aimé. Ça, oui, dans la dunya, ça, tu peux pas rester plus que 3 jours. Mais si c'est des questions qui sont reliées à quelque chose de religieux et quelque chose qui est relié à la aqida ou le manhaj ou des choses comme ça, là, il n'y a pas de limite de temps pour revenir. Il n'y a pas de limite de temps, parce que tant que la personne n'est pas revenue, elle ne s'est pas repentie, eh bien ça continue, tu vois. Et l'exemple des 3 qui avaient été, qui étaient restés derrière, qui n'étaient pas partis à Tabouk, c'est pendant combien de jours? 50 jours avant que la repentance soit venue pour que par la suite ils soient excusés. Hein? C'est la preuve que ça peut durer plus que 3 jours. Afouane? La question de maslaha par rapport à l'hajr, il faut comprendre qu'il y a une maslaha, comme par exemple, non mais c'est comme je vais t'expliquer, les gens ils mélangent la question de maslaha par rapport à ça. Il y a des gens qui disent par exemple, si on va dire quelqu'un il fait un péché ou il fait une bid'a, ok, puis tu lui fais le hajr, c'est-à-dire tu vas le boycotter cette personne. C'est quoi la maslaha de le boycotter si le fait de le boycotter ça va l'éloigner plus des musulmans ou des frères Donc, à cause de ça, il risque de s'égarer encore plus. Donc, il y en a qui disent, dans ce cas-là, il n'y a pas de maslaha, donc il ne faut pas le boycotter. Mais il faut comprendre que la maslaha, ce n'est pas juste dans ce sens-là. C'est pas, il y a la maslaha de la personne qui a fait l'erreur, ou qui a le problème, et il y a aussi la maslaha de la personne qui le boycotte. Elle aussi, elle a sa maslaha, et sa maslaha, c'est de se préserver, et de préserver sa aqida et son manhaj. Peut-être que la personne, le fait que tu le boycottes, elle va peut-être s'éloigner, mais en même temps, toi, tu regardes ta maslaha à toi aussi, du fait que si tu te continues à te tenir avec elle, elle va t'influencer dans le mal. Elle risque de te jeter des shubuhat, et elle risque de te mettre des doutes dans tes principes, dans ton manhaj, dans ta aqida, qui fait que par la suite tu vas t'égarer toi aussi. Donc pour te préserver et te protéger de ça, donc tu regardes pas juste la maslaha de la personne, mais la maslaha aussi qui est à toi. Et ça, c'est pour ça que les ulama ils ont dit qu'il y a deux catégories de hajr. Le hajr que tu vas faire pour punir la personne, pour le faire revenir, parce que quand il va voir que tu le boycottes, il va se sentir mal, il va dire ah, il me boycotte, j'ai fait une erreur, je vais me repentir, je vais revenir à la vérité, puis on va se réconcilier. Des fois ça fonctionne, mais il y a aussi al-hajr al-waqa'i, c'est-à-dire le hajr que tu fais dans le but de te protéger toi-même et de te préserver d'un danger ou d'un égarement. Et ça aussi c'est très important, surtout par rapport à quelqu'un qui serait en train de propager des shubuhat ou des choses de ce genre. Hajr, c'est la même racine que hijra, hein? C'est la même racine que le mot hijra. Ça veut dire se séparer, se couper, cesser d'aller, s'éloigner, et ainsi de suite. Naam. Donc, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, inshallah. Puis, on continuera la suite du chapitre en question, le prochain cours, inshallah. Et le prochain cours, comme vous savez, pendant les deux semaines suivantes, il n'y aura pas de cours. On va reprendre les cours la semaine d'après. On avait expliqué les dates, mais bon, où est-ce qu'il est le truc? Ouais, peut-être, c'est vrai, peut-être, si c'est possible, inshallah, on va le faire. Maslaha, ça veut dire le bienfait. Bon, on a des problèmes avec l'internet. Je ne sais pas si on était connecté ou non. Non, hein? En tout cas. Parce que je l'avais parti avec mon téléphone, le MixLR, mais ça a l'air que ça s'est désactivé pendant le cours. Peut-être à cause du azan. Ok, bon, khair, inshallah, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, c'est court. C'est moins qu'une heure.